50 languages. 46. 46. في المرقص. À la discothèque. À la discothèque. هل هذا المقعد شاغر؟ Est-ce que cette place est libre? Est-ce que cette place est libre? أتسمح لي بالجلوس بقربك؟ Puis-je m'asseoir à côté de vous? Puis-je m'asseoir à côté de vous? بكل سرور. Je vous en prie. Je vous en prie. كيف وجدت الموسيقى؟ Comment trouvez-vous la musique? Comment trouvez-vous la musique? عالية بعض الشيء. Un peu trop forte. Un peu trop forte. ولكن الفرقة تعزف بشكل جيد للغاية. Mais le groupe joue très bien. Mais le groupe joue très bien. هل تأتي باستمرار إلى هنا؟ Venez-vous souvent ici? Venez-vous souvent ici? لا, هذه هي المرة الأولى. Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. لم أكن هنا من قبل. Je n'y étais encore jamais venu. Je n'y étais encore jamais venu. أتحب أن ترقص؟ Voulez-vous danser? Voulez-vous danser? ربما في وقت لاحق. Plus tard peut-être. Plus tard peut-être. لا أتقن الرقص تماما. Je ne sais pas très bien danser. Je ne sais pas très bien danser. هذا سهل للغاية. C'est très simple. C'est très simple. سأريك ذلك. Je vous montrerai. Je vous montrerai. لا, أفضل في فرصة أخرى. Non, plutôt une autre fois. Non, plutôt une autre fois. أتنتظر أحدا؟ Est-ce que vous attendez quelqu'un? Est-ce que vous attendez quelqu'un? نعم, صديقي. Oui, mon ami. Oui, mon ami. إنه هناك. ها هو قادم. Il arrive juste derrière nous. Il arrive juste derrière vous.